Il y a longtemps que je n'avais entendu cette phrase, longtemps qu'elle ne m'avait donné le bras. Oh oui, voilà bien 10 ans que je n'ai marché côte à côte avec une de mes filles. Est-ce bon de se frotter à sa robe, de se mettre à son pas, de partager sa chaleur? Enfin, j'ai mené Delphine ce matin partout. J'entrais avec elle dans les boutiques et je l'ai reconduite chez elle. Oh, gardez-moi près de vous. Quelquefois, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous rendre service. Je serai là. Oh, si cette grosse souche d'Alsaciens mourait, si sa goutte avait l'esprit de remonter dans l'estomac, ma pauvre fille serait-elle heureuse? Vous seriez mon gendre. Vous seriez ostensiblement son mari. Bah, elle est si malheureuse de ne rien connaître au plaisir de ce monde que je l'absous de tout. Le bon Dieu doit être du côté des pères qui aiment bien. Elle vous aime trop, dit-il en hochant la tête après une pause. En allant, elle causait de vous avec moi. N'est-ce pas mon père? Il est bien, il a bon cœur. Parle-t-il de moi? Bah, elle ne m'en a dit depuis la rue d'Artois jusqu'au passage des panoramas des volumes. Elle m'a enfin versé son cœur dans le mien. Pendant toute cette bonne matinée, je n'étais plus vieux. Je ne pesais pas une once. Je lui ai dit que vous m'aviez remis le billet de 1000 francs. Oh, la chérie, elle en a été émue aux larmes. Qu'avez-vous donc, là, sur votre cheminée? Dit enfin le père Goriot, qui se mourait d'impatience en voyant Rastignac immobile. Eugène, tout abasourdi, regardait son voisin d'un air hébété. Ce duel annoncé par Vautrin pour le lendemain contrastait si violemment avec la réalisation de ses plus chères espérances qu'il éprouvait toutes les sensations du cauchemar. Il se tourna vers la cheminée, il aperçut la petite boîte carrée, l'ouvrit et trouva dedans un papier qui couvrait une montre de Breguet. Sur ce papier étaient écrits ces mots. « Je veux que vous pensiez à moi à toute heure, parce que... Delphine. » Ce dernier mot faisait sans doute allusion à quelque scène qui avait eu lieu entre eux. Eugène en fut attendri. Ses armes étaient intérieurement émaillées dans l'or de cette boîte. Ce bijou si longtemps envié, la chaîne, la clé, la façon, les dessins répondaient à tous ses vœux. Le père Goriot était radieux. Il avait sans doute promis à sa fille de lui rapporter les moindres effets de la surprise que causerait son présent à Eugène. Car il était entier dans ses jeunes émotions et ne paraissait pas le moins heureux. Il aimait déjà Rastignac, et pour sa fille, et pour lui-même. « Vous irez la voir ce soir, elle vous attend. » La grosse souche d'Alsaciens soupe chez sa danseuse. « Ah ah, il a été bien sot quand mon avoué lui a dit son fait. Ne prétend-il pas aimer ma fille, à l'adoration? Qu'il y touche et je le tue. L'idée de savoir ma Delphine, ah !» Il soupira. « Me ferait commettre un crime. Mais ce ne serait pas un homicide. C'est une tête de veau sur un corps de porc. Vous me prendriez avec vous, n'est-ce pas ?» « Oui, mon bon père Goriot, vous savez bien que je vous aime. »« Je le vois. Vous n'avez pas honte de moi, vous. Laissez-moi vous embrasser. » Et il serra l'étudiant dans ses bras. « Vous la rendrez bien heureuse, promettez-le-moi. Vous irez ce soir, n'est-ce pas ?»« Oh oui, je dois sortir pour des affaires qu'il est impossible de remettre. »« Puis-je vous être bon à quelque chose ?»« Ma foi, oui. Pendant que j'irai chez madame de Nucingen, aller chez M. Taillefer, le père, lui dire de me donner une heure dans la soirée pour lui parler d'une affaire de la dernière importance. Serait-ce donc vrai, jeune homme, dit le père Goriot en changeant de visage. Feriez-vous la cour à sa fille, comme le disent les imbéciles d'en bas? Tonnerre de Dieu, vous ne savez pas ce que c'est qu'une tape à la Goriot. Et si vous nous trompiez, ce serait l'affaire d'un coup de poing. Oh, ce n'est pas possible! « Je vous jure que je n'aime qu'une femme au monde, » dit l'étudiant. « Je ne le sais que depuis un moment. »« Oh, quel bonheur !» fit le père Goriot. Mais reprit l'étudiant, « Le fils de Taillefer se bat demain, et j'ai entendu dire qu'il serait tué. »« Qu'est-ce que cela vous fait ? dit Goriot. « Mais il faut lui dire d'empêcher son fils de se rendre !» s'écria Eugène. En ce moment, il fut interrompu par la voix de Vautrin, qui se fit entendre sur le pas de la porte où il chantait. « Ô Richard, ô mon beau roi, l'univers t'abandonne !» Boum, boum, boum, boum, boum. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu, tra-la-la-la-la. Messieurs, cria Christophe, la soupe vous attend, et tout le monde est à table. Tiens, dit Vautrin, viens prendre une bouteille de mon vin de Bordeaux. La trouvez-vous jolie, la montre? Dit le père Goriot. Elle a bon goût, hein? Vautrin, le père Goriot et Rastignac descendirent ensemble et se trouvèrent par suite de leur retard placés les uns à côté des autres à table. Eugène marqua la plus grande froideur à Vautrin pendant le dîner. Quoique jamais cet homme, si aimable aux yeux de Mme Vauquer, n'eût déployé autant d'esprit. Il fut pétillant de saillie et sut mettre en train tous les convives. Cette assurance, ce sang-froid, consternait Eugène. Sur quelle herbe avez-vous donc marché aujourd'hui? Lui dit Mme Vauquer. Vous êtes gai comme un pinson. Je suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes affaires. Des affaires? Dit Eugène. Eh bien oui, j'ai livré une partie de marchandises qui me vaudra de bons droits de commission. Mademoiselle Michonneau, dit-il en s'apercevant que la vieille fille l'examinait, ai-je dans la figure un trait qui vous déplaise? Que vous me faites l'œil américain? Faut le dire, je le changerai pour vous être agréable. Poiret, nous ne nous fâcherons pas pour ça, hein? Dit-il en guignant le vieil employé. Sac à papier, vous devriez poser pour un Hercule farceur, dit le jeune peintre à Vautrin. Ma foi, ça va, si Mademoiselle Michonneau veut poser en Vénus du Père Lachaise, répondit Vautrin. Et Poiret? Dit Bianchon. Oh, Poiret posera en Poiret. Ce sera le dieu des jardins, s'écria Vautrin. Il dérive de poire. Molle, reprit Bianchon. Vous seriez alors entre la poire et le fromage. Tout ça, c'est des bêtises, dit Mme Vauquer, et vous feriez mieux de nous donner de votre vin de Bordeaux, dont j'aperçois une bouteille qui montre son nez. Ça nous entretiendra en joie, outre que c'est bon à l'estomac. Messieurs, dit Vautrin, Madame la Présidente nous rappelle à l'ordre. Madame Couture et Mademoiselle Victorine ne se formaliseront pas de vos discours badins, mais respectez l'innocence du père Goriot. Je vous propose une petite bouteille au ramas de vin de Bordeaux que le nom de Lafitte rend doublement illustre, soit dit sans allusion politique. Allons, Chinois, dit-il en regardant Christophe qui ne bougea pas. Ici, Christophe. Comment, tu n'entends pas ton nom? Chinois, amène les liquides. Voilà, monsieur, dit Christophe en lui présentant la bouteille. Après avoir rempli le verre d'Eugène et celui du père Goriot, il s'en versa lentement quelques gouttes qu'il dégusta pendant que ses deux voisins buvaient, et tout à coup il fit une grimace. « Diable, diable, il sent le bouchon. Prends cela pour toi, Christophe, et va nous en chercher. À droite, tu sais? Nous sommes 16. Descends 8 bouteilles. » « Puisque vous vous fendez, dit le peintre, je paie un 100 de marron. »« Oh oh! Bouh! Brrr !» Chacun poussa des exclamations qui partirent comme les fusées d'une girandole. « Allons, maman Vauquer, 2 de champagne !» lui cria Vautrin. « Tiens, c'est cela? Pourquoi pas demander la maison? 2 de champagne? Mais ça coûte 12 francs. Je ne les gagne pas, non ?» Mais si M. Eugène veut les payer, j'offre du cassis. V'là son cassis qui purge comme de la manne, dit l'étudiant en médecine, à voix basse. Veux-tu te taire, Bianchon? S'écria Rastignac. Je ne peux pas entendre parler de manne sans que le cœur. Oui, va pour le vin de champagne. Je le paie, ajouta l'étudiant. Sylvie, dit Mme Vauquer, donnez les biscuits et les petits gâteaux. Vos petits gâteaux sont trop grands, dit Vautrin. Ils ont de la barbe. Mais quant aux biscuits,

J'ai peur qu'il ne soit malade, dit Victorine. Restez à le soigner alors, reprit Vautrin. C'est, lui souffla-t-il à l'oreille, votre devoir de femme soumise. Il vous adore, ce jeune homme, et vous serez sa petite femme, je vous le prédis. Enfin, dit-il à haute voix, ils furent considérés dans tout le pays, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment finissent tous les romans d'amour. Allons, maman, dit-il en se tournant vers Madame Vauquer, qui l'étreignit. Mettez le chapeau, la robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais vous aller chercher un fiacre soi-même. Et il partit en chantant. Soleil, soleil, divin soleil, toi qui fais mûrir les citrouilles. Mon Dieu, dites donc, Madame Couture, cet homme-là me ferait vivre heureuse sur les toits. Allons, dit-elle en se tournant vers le vermicellier. Voilà le père Goriot parti. Ce vieux cancre-là n'a jamais eu l'idée de me mener nulle part, lui. Mais il va tomber par terre, mon Dieu. C'est indécent à un homme d'âge de perdre la raison. Vous me direz qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas. Sylvie, montez-le donc chez lui. Sylvie prit le bonhomme par-dessous le bras, le fit marcher et le jeta tout habillé comme un paquet en travers de son lit. Pauvre jeune homme, disait Madame Couture en écartant les cheveux d'Eugène qui lui tombaient dans les yeux. Il est comme une jeune fille, il ne sait pas ce que c'est qu'un excès. Ah, je peux bien dire que depuis 31 ans que je tiens ma pension, dit Madame Vauquer, il m'est passé bien des jeunes gens par les mains, comme on dit. Mais je n'en ai jamais vu d'aussi gentil, d'aussi distingué que Monsieur Eugène. Est-il beau quand il dort? Prenez-lui donc la tête sur votre épaule, Madame Couture. Bah, il tombe sur celle de Mademoiselle Victorine. Il y a un Dieu pour les enfants. Encore un peu, il se fendait la tête sur la pomme de la chaise. À eux deux, ils feraient un bien joli couple. Ma voisine, taisez-vous donc, s'écria Madame Couture. Vous dites des choses. Bah, fit Madame Vauquer, il n'entend pas. Allons, Sylvie, viens m'habiller. Je vais mettre mon grand corset. Ah bien, votre grand corset après avoir dîné, madame, dit Sylvie. Non, cherchez quelqu'un pour vous serrer, ce ne sera pas moi qui serai votre assassin. Vous commettriez là une imprudence, ça vous coûter la vie. Ça m'est égal, il faut faire honneur à Monsieur Vautrin. Vous aimez donc bien vos héritiers? Allons, Sylvie, pas de raison, dit la veuve en s'en allant. À son âge, dit la cuisinière en montrant sa maîtresse Victorine. Madame Couture et sa pupille sur l'épaule de laquelle dormait Eugène restèrent seules dans la salle à manger. Les ronflements de Christophe retentissaient dans la maison silencieuse et faisaient ressortir le paisible sommeil d'Eugène, qui dormait aussi gracieusement qu'un enfant. Heureuse de pouvoir se permettre un de ces actes de charité par lesquels s'épanchent tous les sentiments de la femme et qui lui faisaient sans crime sentir le cœur du jeune homme battre sur le sien, Victorine avait dans la physionomie quelque chose de maternellement protecteur qui la rendait fière. À travers les mille pensées qui s'élevaient dans son cœur, perçait un tumultueux mouvement de volupté qu'excitait l'échange d'une jeune et pure chaleur. « Pauvre chère fille, dit Madame Couture en lui pressant la main. La vieille dame admirait cette candide et souffrante figure sur laquelle était descendue l'auréole du bonheur. Victorine ressemblait à l'une de ces naïves peintures du Moyen-Âge dans lesquelles tous les accessoires sont négligés par l'artiste, qui a réservé la magie d'un pinceau calme et fier pour la figure jaune de ton, mais où le ciel semble se refléter avec ses teintes d'or. « Il n'a pourtant pas bu plus de 2 verres, maman, » dit Victorine, en passant ses doigts dans la chevelure d'Eugène. « Mais si c'était un débouché, ma fille, il aurait supporté le vin comme tous les autres. Son ivresse fait son éloge. » Le bruit d'une voiture retentit dans la rue. « Maman, » dit la jeune fille, « voici Monsieur Vautrin. Prenez donc Monsieur Eugène. Je ne voudrais pas être vue ainsi par cet homme. » Il a des expressions qui salissent l'âme et des regards qui gênent une femme comme si on lui enlevait sa robe. « Non, dit Madame Couture, tu te trompes. Monsieur Vautrin est un brave homme, un peu dans le genre de feu Monsieur Couture, brusque, mais bon, un bourru bienfaisant. En ce moment, Vautrin entra tout doucement. Elle regarda le tableau formé par ces deux enfants que la lueur de la lampe semblait caresser. « Eh bien, dit-il en se croisant les bras, voilà de ces scènes qui auraient inspiré de belles pages à ce bon Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie. La jeunesse est bien belle, Madame Couture. Pauvre enfant, dors, dit-il en contemplant Eugène. Le bien vient quelquefois en dormant. Madame, reprit-il en s'adressant à la veuve, ce qui m'attache à ce jeune homme, ce qui m'émeut, c'est de savoir la beauté de son âme en harmonie avec celle de sa figure. Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé sur l'épaule d'un ange? Il est digne d'être aimé, celui-là. Si j'étais femme, je voudrais mourir. Non, pas si bête. Vivre pour lui. » En les admirant ainsi, madame, dit-il à voix basse et se penchant à l'oreille de la veuve, je ne puis m'empêcher de penser que Dieu les a créés pour être l'un à l'autre. La Providence a les voix bien cachées. Elles sondent les reins et les cœurs, s'écria-t-il à voix haute. En vous voyant unis, mes enfants, unis par une même pureté, par tous les sentiments humains, je me dis qu'il est impossible que vous soyez jamais séparés dans l'avenir. Dieu est juste. Mais, dit-il à la jeune fille, il me semble avoir vu chez vous des lignes de prospérité. Donnez-moi votre main, mademoiselle Victorine. Je me connais en chiromancie. J'ai dit souvent la bonne aventure. Allons, n'ayez pas peur. Oh, qu'aperçois-je ? Foi d'honnête homme, vous serez avant peu l'une des plus riches héritières de Paris. Vous comblerez de bonheur celui qui vous aime. Votre père vous appelle auprès de lui. Vous vous mariez avec un homme titré, jeune, beau, qui vous adore. En ce moment, les pas lourds de la coquette veuve qui descendait interrompirent les prophéties de Vautrin. « Voilà maman, Vauquer, belle comme un astre, ficelée comme une carotte. N'étouffons-nous pas un petit brin ?» lui dit-il en mettant sa main sur le haut du busc. « Les avant-cœurs sont bien pressés, maman. Si nous pleurons, il y aura explosion. » Mais je ramasserai les débris avec un soin d'antiquaire. Il connaît le langage de la galanterie française, celui-là, dit la veuve en se penchant à l'oreille de Madame Couture. Adieu, enfant, reprit Vautrin en se tournant vers Eugène et Victorine. Je vous bénis, leur dit-il, en leur imposant ses mains au-dessus de leur tête. Croyez-moi, mademoiselle, c'est quelque chose que les vœux d'un honnête homme. Ils doivent porter bonheur. Dieu les écoute. « Adieu, ma chère amie, » dit Madame Vauquier à sa pensionnaire. « Croyez-vous, ajouta-t-elle à voix basse, que M. Vautrin ait des intentions relatives à ma personne ?»« Ah, ma chère mère, » dit Victorine en soupirant et en regardant ses mains, quand les deux femmes furent parties. « Si ce bon M. Vautrin disait vrai. »« Mais il ne faut qu'une chose pour cela, » répondit la vieille dame, « seulement que ton monstre de frère tombe de cheval. » « Oh, maman !»« Mon Dieu, peut-être est-ce un péché que de souhaiter du mal à son ennemi, » reprit la veuve. « Eh bien, j'en ferai pénitence. En vérité, je porterai de bon cœur des fleurs sur sa tombe. Mauvais cœur ! Il n'a pas le courage de parler pour sa mère dont il garde à ton détriment l'héritage par des micmacs. Ma cousine avait une belle fortune. Pour ton malheur, il n'a jamais été question de son apport dans le contrat. » « Mon bonheur me serait souvent pénible à porter s'il coûtait la vie à quelqu'un, » dit Victorine. « Et s'il fallait, pour être heureuse, que mon frère disparût, j'aimerais mieux toujours être ici. »« Mon Dieu, comme dit ce bon monsieur Vautrin, qui, tu le vois, est plein de religion, » reprit Madame Couture, « j'ai eu du plaisir à savoir qu'il n'est pas incrédule comme les autres, qui parlent de Dieu avec moins de respect que n'en a le diable. Eh bien, qui peut savoir par quelle voie il plaît à la Providence de nous conduire ? » Aidées par Sylvie, les deux femmes finirent par transporter Eugène dans sa chambre, le couchèrent sur son lit, et la cuisinière lui défit ses habits pour le mettre à l'aise. Avant de partir, quand sa protectrice eut tourné le dos, Victorine mit un baiser sur le front d'Eugène avec tout le bonheur que devait lui causer ce criminel larcin. Elle regarda sa chambre, ramassa pour ainsi dire dans une seule pensée les mille félicités de cette journée, en fit un tableau qu'elle contempla longtemps et s'endormit la plus heureuse créature de Paris. Le festoiement à la faveur duquel Vautrin avait fait boire à Eugène et au père Goriot du vin narcotisé décida la perte de cet homme. Bianchon, à moitié gris, oublia de questionner Mademoiselle Michonneau sur Trompe-la-Mort. S'il avait prononcé ce nom, il aurait certes éveillé la prudence de Vautrin, ou, pour lui rendre son vrai nom de Jacques Collin, l'une des célébrités du bagne. Puis le sobriquet de Vénus du père Lachaise décida Mademoiselle Michonneau à livrer le forçat au moment où, confiante en la générosité de Collin, elle calculait s'il ne valait pas mieux le prévenir et le faire évader pendant la nuit. Elle venait de sortir, accompagnée de Poiret, pour aller trouver le fameux chef de la police de sûreté, petite rue Sainte-Anne, croyant encore avoir affaire à un employé supérieur nommé Gondureau. Le directeur de la police judiciaire l'a reçu avec grâce. Puis, après une conversation où tout fut précisé, Mademoiselle Michonneau demanda la potion à l'aide de laquelle elle devait opérer la vérification de la marque. Au geste de contentement que fit le grand homme de la petite rue Sainte-Anne en cherchant une fiole dans un tiroir de son bureau, Mademoiselle Michonneau devina qu'il y avait dans cette capture quelque chose de plus important que l'arrestation d'un simple forçat. À force de se creuser la cervelle, elle soupçonna que la police espérait, d'après quelques révélations faites par les traites du bagne, arriver à temps pour mettre la main sur des valeurs considérables. Quand elle eut exprimé ses conjectures à ce renard, il se mit à sourire et voulut détourner les soupçons de la vieille fille. « Vous vous trompez, répondit-il. Colin est la Sorbonne la plus dangereuse qui jamais se soit trouvée du côté des voleurs. Voilà tout. Les coquins le savent bien. Il est leur drapeau, leur soutien, leur Bonaparte, enfin. Ils l'aiment tous. Ce drôle ne nous laissera jamais sa tronche en place de grève. » Mademoiselle Michonneau ne comprenant pas, Gondureau lui expliqua les deux mots d'argot dont il s'était servi. Sorbonne et tronche sont deux énergiques expressions du langage des voleurs qui, les premiers, ont senti la nécessité de considérer la tête humaine sous deux aspects. La Sorbonne est la tête de l'homme vivant, son conseil, sa pensée. La tronche est un mot de mépris destiné à exprimer combien la tête devient peu de chose quand elle est coupée. Colin nous joue, reprit-il. Quand nous rencontrons de ces hommes en façon de barre d'acier trempée à l'anglaise, nous avons la ressource de les tuer, si, pendant leur arrestation, ils s'avisent de faire la moindre résistance. Nous comptons sur quelques voies de fait pour tuer Colin demain matin. On évite ainsi le procès, les frais de garde, la nourriture et ça débarrasse la société. Les procédures, les assignations aux témoins, leurs indemnités, l'exécution, tout ce qui doit légalement nous défaire de ces garnements-là coûte au-delà des 1000 écus que vous aurez. Il y a économie de temps en donnant un bon coup de baïonnette dans la panse de Trompe-la-Mort. Nous empêcherons 100 de crimes et nous éviterons la corruption de 50 mauvais sujets qui se tiendront bien sagement aux environs de la correctionnelle. Voilà de la police bien faite. Selon les vrais philanthropes, se conduire ainsi, c'est prévenir les crimes. « Mais c'est servir son pays, » dit Poiret. « Eh bien, répliqua le chef, vous dites des choses sensées ce soir, vous. Oui, certes, nous servons le pays. Aussi le monde est-il bien injuste à notre égard. Nous rendons à la société de bien grands services ignorés. Enfin, il est d'un homme supérieur de se mettre au-dessus des préjugés et d'un chrétien d'adopter les malheurs que le bien entraîne après soi quand il n'est pas fait selon les idées reçues. Paris est Paris, voyez-vous. Ce mot explique ma vie. J'ai l'honneur de vous saluer, mademoiselle. Je serai avec mes gens au jardin du roi demain. Envoyez Christophe, rue de Buffon, chez monsieur Gondureau, dans la maison où j'étais. Monsieur, je suis votre serviteur. S'il vous était jamais volé quelque chose, usez de moi pour vous le faire retrouver. je suis à votre service. » Eh bien, dit Poiret à Mademoiselle Michonneau, il se rencontre des imbéciles que ce mot de police met sans dessus dessous. Ce monsieur est très aimable, et ce qu'il vous demande est simple comme bonjour. Le lendemain devait prendre place parmi les jours les plus extraordinaires de l'histoire de la maison Fouquet. Jusqu'alors, l'événement le plus saillant de cette vie paisible avait été l'apparition météorique de la fausse comtesse de Lambert Ménil. Mais tout allait pâlir devant les péripéties de cette grande journée, de laquelle il serait éternellement question dans les conversations de Mme Fouquet. D'abord, Goriot et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à 11 heures. Mme Fouquet, rentrée à minuit de la gaieté, resta jusqu'à 10h30 au lit. Le long sommeil de Christophe, qui avait achevé le vin offert par Vautrin, causa des retards dans le service de la maison. Poiret et Mademoiselle Michonneau ne se plaignirent pas de ce que le déjeuner se reculait. Quant à Victorine et à Madame Couture, elles dormirent la grasse matinée. Vautrin sortit avant 8 heures et revint au moment même où le déjeuner fut servi. Personne ne réclama donc, lorsque vers 11h15, Sylvie et Christophe allèrent frapper à toutes les portes en disant que le déjeuner attendait. Pendant que Sylvie et le domestique s'absentèrent, Mademoiselle Michonneau, descendant la première, versa la liqueur dans le gobelet d'argent appartenant à Vautrin, et dans lequel la crème pour son café chauffait au bain-marie parmi tous les autres. La vieille fille avait compté sur cette particularité de la pension pour faire son coup. Ce ne fut pas sans quelques difficultés que les 7 pensionnaires se trouvèrent réunis. Au moment où Eugène, qui se détirait les bras, descendait le dernier de tous, un commissionnaire lui remit une lettre de Madame de Nucingen. Cette lettre était ainsi conçue. « Je n'ai ni fausse vanité ni colère avec vous, mon ami. Je vous ai attendu jusqu'à 2 heures après minuit. Attendre un être que l'on aime, qui a connu ce supplice, ne l'impose à personne. Je vois bien que vous aimez pour la première fois. Qu'est-il donc arrivé? L'inquiétude m'a prise. Si je n'avais craint de livrer les secrets de mon cœur, je serais allé savoir ce qui vous advenait d'heureux ou de malheureux. Mais sortir à 7 heures, soit à pied, soit en voiture, n'était-ce pas se perdre? J'ai senti le malheur d'être femme. Rassurez-moi, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas venue après ce que vous a dit mon père. Je me fâcherai, mais je vous pardonnerai. Êtes-vous malade? Pourquoi se loger si loin? Un mot, de grâce. À bientôt, n'est-ce pas? Un mot me suffira si vous êtes occupé. Dites, j'accours ou je souffre. Mais si vous étiez mal portant, mon père serait venu me le dire. Qu'est-il donc arrivé? Oui, qu'est-il arrivé? S'écria Eugène, qui se précipita dans la salle à manger en froissant la lettre sans l'achever. Quelle heure est-il? 11h30, dit Vautrin en sucrant son café. Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer, et qui, dit-on, calme les fous furieux dans les maisons d'aliénés. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue, et un domestique à la livrée de M. Taillefer et que reconnut sur le champ Mme Couture entra précipitamment d'un air effaré. « Mademoiselle, s'écria-t-il, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel. Il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Vous aurez à peine le temps de lui dire adieu. Il n'a plus sa connaissance. » « Pauvre jeune homme, s'écria Vautrin, comment se querelle-t-on quand on a 30 bonnes 1000 livres de rente? Décidément, la jeunesse ne sait pas se conduire. Monsieur, lui cria Eugène. Eh bien quoi, grand enfant? Dit Vautrin en achevant de boire son café tranquillement. Opération que Mademoiselle Michonneau suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas des duels tous les matins à Paris? Je vais avec vous, Victorine, disait Madame Couture. Et ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait « Je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. » « Bah, vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin, » dit madame Vauquet. « Je suis tout, » dit Jacques Collin. « C'est-y singulier, » reprit madame Vauquet en enfilant une suite de phrases insignifiantes sur cet événement. « La mort nous prend sans nous consulter. Les jeunes gens s'en vont avant les vieux. Nous sommes heureuses, nous autres femmes, de n'être pas sujettes au duel. Mais nous avons d'autres maladies que n'ont pas les hommes. Nous faisons les enfants, et le mal de mère dure longtemps. Quelle quine pour Victorine! Son père est forcé de l'adopter. » Voilà, dit Vautrin en regardant Eugène. Hier, elle était sans un sou. Ce matin, elle est riche de plusieurs millions. Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquet, vous avez mis la main au bon endroit. À cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre chiffonnée. Vous ne l'avez pas achevée? Qu'est-ce que cela veut dire? Seriez-vous comme les autres? Lui demanda-t-il. Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine, dit Eugène en s'adressant à madame Vauquet avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants. Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser. « Oh, oh !» fit Vautrin. « Les Italiens ont le bon mot. Col tempo !»« J'attends la réponse, » dit à Rastignac, le commissionnaire de madame de Nucingen. « Dites que j'irai. » L'homme s'en alla. Eugène était dans un violent état d'irritation qui ne lui permettait pas d'être prudent. « Que faire ?» disait-il à haute voix, en se parlant à lui-même. « Point de preuve !» Vautrin se mit à sourire. En ce moment, la potion absorbée par l'estomac commençait à opérer. Néanmoins, le forçat était si robuste qu'il se leva, regarda Rastignac, lui dit d'une voix creuse. « Jeune homme, le bien nous vient en dormant. » Et il tomba raide mort. « Il y a donc une justice divine, » dit Eugène. « Eh bien, qu'est-ce qui lui prend donc à ce pauvre cher monsieur Vautrin ?»« Une apoplexie, » cria mademoiselle Michonneau. « Sylvie, allons, ma fille, va chercher le médecin, » dit la veuve. « Ah, monsieur Rastignac, courez donc vite chez monsieur Bianchon. Sylvie peut ne pas rencontrer notre médecin, monsieur Grimpel. » Rastignac, heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant. « Christophe, allons, trotte chez l'apothicaire, demander quelque chose contre l'apoplexie. » Christophe sortit. « Mais, père Goriot, aidez-nous donc à le transporter là-haut, chez lui. » Vautrin fut saisi, manœuvré à travers l'escalier et mis sur son lit. « Je ne vous suis bon à rien, je vais voir ma fille, » dit monsieur Goriot. « Vieil égoïste, » s'écria madame Vauquet, « va, je te souhaite de mourir comme un chien. » « Allez donc voir si vous avez de l'éther, » dit à madame Vauquet, mademoiselle Michonneau, qui, aidée par Poiret, avait défait les habits de Vautrin. Madame Vauquet descendit chez elle et laissa mademoiselle Michonneau, maîtresse du champ de bataille. « Allons, ôtez-lui donc sa chemise et retournez-le vite. Soyez donc bon à quelque chose en m'évitant de voir des nudités, » dit-elle à Poiret. « Vous restez là comme baba. » Vautrin retournait. Mademoiselle Michonneau appliqua sur l'épaule du malade une forte claque, et les deux fatales lettres reparurent en blanc au milieu de la place rouge. « Tiens, vous avez bien lestement gagné votre gratification de 3 000 francs !» s'écria Poiret en tenant Vauquet debout, pendant que mademoiselle Michonneau lui remettait sa chemise. « Ouf, il est lourd !» reprit-il en le couchant. « Taisez-vous ! S'il y avait une caisse ?» dit vivement la vieille fille dont les yeux semblaient percer les murs, tant elle examinait avec avidité les moindres meubles de la chambre. « Si l'on pouvait ouvrir ce secrétaire sous un prétexte quelconque, » reprit-elle. « Ce serait peut-être mal, » répondit Poiret. « Non, » fit-elle. « L'argent volé ayant été celui de tout le monde n'est plus à personne. « Mais le temps nous manque, » répondit-elle. « J'entends la Vauquet. » « Voilà de l'éther, » dit madame Vauquet. « Par exemple, c'est aujourd'hui la journée aux aventures. Dieu, cet homme-là ne peut pas être malade. Il est blanc comme un poulet. Comme un poulet ? Répéta Poiret. Son cœur bat régulièrement, dit la veuve en lui posant la main sur le cœur. Régulièrement ? Dit Poiret étonné. Il est très bien. Vous trouvez ? Demanda Poiret. Dame, il a l'air de dormir. Sylvie est allée chercher un médecin. Dites donc, mademoiselle Michonneau, il renifle à l'éther ? Bah, c'est un spasme. Son pouls est bon. Il est fort comme un turc. Voyez donc, mademoiselle, quelle palatine il a sur l'estomac. Il vivra 100 ans, cet homme-là. Sa perruque tient bon, tout de même. Tiens, elle est collée. Il a de faux cheveux, rapport à ce qu'il est rouge. On dit qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, les rouges. Il sera donc bon, lui. Bon à pendre, dit Poiret. Vous voulez dire au cou d'une jolie femme, s'écria vivement mademoiselle Michonneau. Allez-vous-en donc, monsieur Poiret. Ça nous regarde, nous autres, de vous soigner quand vous êtes malade. D'ailleurs, pour ce à quoi vous êtes bon, vous pouvez bien vous promener, ajouta-t-elle. Madame Vauquier et moi, nous garderons bien ce cher monsieur Autrin. Poiret s'en alla doucement et sans murmurer, comme un chien à qui son maître donne un coup de pied. Rastignac était sorti pour marcher, pour prendre l'air. Il étouffait. Ce crime commis à heure fixe, s'il avait voulu l'empêcher la veille. Qu'était-il arrivé? Que devait-il faire? Il tremblait d'en être le complice. Le sang-froid de Vautrin l'épouvantait encore. Si cependant Vautrin mourait sans parler, se disait Rastignac. Il allait à travers les allées du Luxembourg, comme s'il eût été traqué par une meute de chiens, et lui semblait entendre les aboiements. « Eh bien !» lui cria Bianchon. « As-tu lu le pilote ?» Le pilote était une feuille radicale, dirigée par M. Tissot, et qui donnait pour la province, quelques heures après les journaux du matin, une édition où se trouvaient les nouvelles du jour, qui alors avaient, dans les départements, 24 heures d'avance sur les autres feuilles. « Il s'y trouve une fameuse histoire, » dit l'interne de l'hôpital Cochin. « Le fils Taillefer s'est battu en duel avec le comte Franchessini, de la vieille garde, qui lui a mis 2 pouces de fer dans le front. Voilà la petite Victorine, un des plus riches partis de Paris. Hein ? Si on avait su cela ? Quelle 30 et 40 que la mort ! Est-il vrai que Victorine te regardait d'un bon œil, toi ? Tais-toi, Bianchon, je ne l'épouserai jamais. J'aime une délicieuse femme. J'en suis aimée. Je... Tu dis cela comme si tu te battais les flancs pour ne pas être infidèle. Montre-moi donc une femme qui vaille le sacrifice de la fortune du sieur Taillefer. Tous les démons sont donc après moi, s'écria Rastignac. Après qui donc en as-tu? Es-tu fou? Donne-moi donc la main, dit Bianchon, que je te tâte le pouls. Tu as la fièvre. « Va donc chez la mère Vauquier, lui dit Eugène, ce scélérat de Vautrin vient de tomber comme mort. »« Oh ! » dit Bianchon, qui laissa Rastignac seul. « Tu me confirmes des soupçons que je veux aller vérifier. » La longue promenade de l'étudiant en droit fut solennelle. Il fit en quelque sorte le tour de sa conscience. S'il flotta, s'il examina, s'il hésita, du moins sa probité sortit de cette âpre et terrible discussion. Éprouvé comme une barre de fer qui résiste à tous les essais. Il se souvint des confidences que le père Goriot lui avait faites la veille. Il se rappela l'appartement choisi pour lui près de Delphine, rue d'Artois. Il reprit sa lettre, la relut, la baisa. « Un tel amour est mon encre de salut, se dit-il. Ce pauvre vieillard a bien souffert par le cœur. Il ne dit rien de ses chagrins, mais qui ne les devinerait pas? Eh bien, j'aurai soin de lui comme d'un père. Je lui donnerai 1000 jouissances. Si elle m'aime, elle viendra souvent chez moi passer la journée près de lui. Cette grande comtesse de Restaud est une infâme. Elle ferait un portier de son père. Chère Delphine, elle est meilleure pour le bonhomme. Elle est digne d'être aimée. Ah, ce soir, je serai donc heureux. » Il tira la montre, l'admira. « Tout m'a réussi. » Quand on s'aime bien pour toujours, l'on peut céder, je puis recevoir cela. D'ailleurs, je parviendrai, certes, et pourrai tout rendre au centuple.

Bianchon, le premier, se pencha vers son voisin. « Je décampe si cette fille doit continuer à dîner avec nous, » dit-il à mi-voix. En un clin d'œil, chacun, moins Poiret, approuva la proposition de l'étudiante en médecine qui, fort de l'adhésion générale, s'avança vers le vieux pensionnaire. « Vous qui êtes lié particulièrement avec Mademoiselle Michonneau, » lui dit-il, « parlez-lui. Faites-lui comprendre qu'elle doit s'en aller à l'instant même. » « À l'instant même ?» répéta Poiret étonné. Puis il vint auprès de la vieille et lui dit quelques mots à l'oreille. « Mais mon terme est payé. Je suis ici pour mon argent, comme tout le monde, » dit-elle en lançant un regard de vipère sur les pensionnaires. « Qu'à cela ne tienne, nous nous cotiserons pour vous le rendre, » dit Rastignac. « Monsieur soutient Colin ?» répondit-elle en jetant sur l'étudiant un regard venimeux et interrogateur. « Il n'est pas difficile de savoir pourquoi. » À ce mot, Eugène bondit comme pour se ruer sur la vieille fille et l'étrangler. Ce regard dont il comprit les perfidies venait de jeter une horrible lumière dans son âme. « Laissez-la donc !» s'écrièrent les pensionnaires. Rastignac se croisa les bras et resta muet. « Finissons-en avec Mademoiselle Judas, » dit le peintre en s'adressant à Madame Vauquet. « Madame, si vous ne mettez pas à la porte la Michonneau, nous quittons tous votre baraque et nous dirons partout qu'il ne s'y trouve que des espions et des forçats. Dans le cas contraire, nous nous taisons tous sur cet événement qui, au bout du compte, pourrait arriver dans les meilleures sociétés jusqu'à ce qu'on marque les galériens au front et qu'on leur défende de se déguiser en bourgeois de Paris et de se faire aussi bêtement farceurs qu'ils le sont tous. » À ce discours, Madame Vauquet retrouva miraculeusement la santé, se redressa, se croisa les bras, ouvrit ses yeux clairs et sans apparence de larmes. « Mais mon cher monsieur, vous voulez donc la ruine de ma maison ? Voilà monsieur Vautrin. Oh mon Dieu, se dit-elle en s'interrompant elle-même, je ne puis pas m'empêcher de l'appeler par son nom d'honnête homme. « Voilà, reprit-elle, un appartement vide. Et vous voulez que j'en ai deux de plus à louer dans une saison où tout le monde est casé ? Messieurs, prenons nos chapeaux et allons dîner place Sorbonne, chez Flicoteau, » dit Bianchon. Madame Vauquet calcula d'un seul coup d'œil le parti le plus avantageux et roula jusqu'à Mademoiselle Michonneau. « Allons, ma chère petite belle, vous ne voulez pas la mort de mon établissement ? Vous voyez à quelle extrémité m'ont réduit ces messieurs. Remontez dans votre chambre pour ce soir. » Du tout, crièrent les pensionnaires. Nous voulons qu'elle sorte à l'instant. Mais elle n'a pas dîné, cette pauvre demoiselle, dit Poiret d'un ton piteux. Elle ira dîner où elle voudra, crièrent plusieurs voix. À la porte, la moucharde. À la porte, les mouchards. « Monsieur, s'écria Poiret qui s'éleva tout à coup à la hauteur du courage que l'amour prête au bélier, respectez une personne du sexe. »« Les mouchards n'ont aucun sexe, » dit le peintre. « Fameux sexorama. À la portorama. Messieurs, ceci est indécent. Quand on renvoie les gens, on doit y mettre des formes. Nous avons payé, nous restons. » dit Poiret en se couvrant de sa casquette et se plaçant sur une chaise à côté de Mademoiselle Michonneau, que prêchait Madame Vauquet. « Méchant !» lui dit le peintre d'un air comique. « Petit méchant, va !»« Allons, si vous ne voulez pas vous en aller, nous en allons, nous autres, » dit Bianchon. Et les pensionnaires firent en masse un mouvement vers le salon. « Mademoiselle, que voulez-vous donc ? » s'écria Madame Vauquet. « Je suis ruinée. Vous ne pouvez pas rester. Ils vont en venir à des actes de violence. » Mademoiselle Michonneau se leva. « Elle s'en ira. Elle ne s'en ira pas. Elle s'en ira. Elle ne s'en ira pas. » Ces mots dits alternativement et l'hostilité des propos qui commençaient à se tenir sur elle contraignirent Mademoiselle Michonneau à partir après quelques stipulations faites à voix basse avec l'hôtesse. « Je vais chez Madame Buneau, » dit-elle d'un air menaçant. Allez où vous voudrez, mademoiselle, dit Madame Vauquet, qui vit une cruelle injure dans le choix qu'elle faisait d'une maison avec laquelle elle rivalisait et qui lui était conséquemment odieuse. Allez chez la Buneau, vous aurez du vin à faire danser les chèvres.

à quoi tient, mon Dieu, l'honneur des femmes et des familles. Je me suis sentie attaquée, blessée dans ma pauvre sœur. Selon certaines personnes, M. de Trailles aurait souscrit des lettres de change montant à 100 000 francs, presque toutes échues, et pour lesquelles il allait être poursuivi. Dans cette extrémité, ma sœur aurait vendu ses diamants à un juif. Ces beaux diamants que vous avez pu lui voir et qui viennent de Mme de Restaud, la mère. Enfin, depuis 2 jours, il n'est question que de cela. Je conçois alors qu'Anastasie se fasse faire une robe lamée et veuille attirer sur elle tous les regards chez Mme de Beauséant, en y paraissant dans tout son éclat et avec ses diamants. Mais je ne veux pas être au-dessous d'elle. Elle a toujours cherché à m'écraser. Elle n'a jamais été bonne pour moi, qui lui rendait tant de services, qui avait toujours de l'argent pour elle quand elle n'en avait pas. Mais laissons le monde aujourd'hui, je veux être toute heureuse. Rastignac était encore à 1 heure du matin chez Madame de Nucingen, qui, en lui prodiguant l'adieu des amants, cet adieu plein de joie à venir, lui dit avec une expression de mélancolie. « Je suis si peureuse, si superstitieuse, donnez à mes pressentiments le nom qu'il vous plaira, que je tremble de payer mon bonheur par quelque affreuse catastrophe. »« Enfant, » dit Eugène. « Ah, c'est moi qui suis l'enfant ce soir, » dit-elle en riant. Eugène revint à la maison Vauquier avec la certitude de la quitter le lendemain. Il s'abandonna donc pendant la route à ces jolis rêves que font tous les jeunes gens quand ils ont encore sur les lèvres le goût du bonheur. « Eh bien ?» lui dit le père Goriot quand Rastignac passa devant sa porte. « Eh bien ?» répondit Eugène. « Je vous dirai tout demain. »« Tout, n'est-ce pas ?» cria le bonhomme. « Couchez-vous. Nous allons commencer demain notre vie heureuse. »